de soi, du voyage intérieur où on ne revient pas. C'est écouter les autres, raconter leur histoire. C'est écrire des mots à travers leur regard. J'ai goûté à l'amour, la brûlante beauté. Sous les roses, y'a l'épine, j'ai le cœur déchiré. C'est se dire qu'on est proche de la fin du tunnel. Retrouver la lumière et déployer ses ailes. Remettre au présent les images du passé, la mémoire volatile qui permet d'oublier. C'est une brèche où s'engage la folie et l'attente. À côté je suis noir, à côté tu es blanc. C'est le temps du changement, métamorphose intime. C'est le souffle coupé ou un cri dans l'abîme. Je ne suis pas si noir que ça.